Bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Gémozo pour Amadou Décryptage. Je vais continuer à vous décrypter les expressions françaises et les noms qui font l'histoire. Amadou Décryptage épisode 5, c'est maintenant. Tout de suite, une expression. Faire un caca nerveux. Piquer une crise. Nos émotions influent sur une digestion. La peur, par exemple, peut provoquer des phénomènes gastriques indésirables. Mais la colère, une contrariété donne-t-elle la diarrhée? C'est que suggère cette expression qui relie agacement et excrément. Effectivement, une personne en colère a les sourcils plissés, le visage tendu, le rouge montant au front, etc., etc. Autant de signes qui peuvent évoquer un individu sur le trône. L'expression scatologique met le mot caca et y ajoute une touche de dérision. Ce terme, même s'il nous vient tout droit de la Rome antique, il descend du verbe latin cacar. Fait penser au mot enfant, joujou ou bobo avec répétition onomatopique. Avec cette expression, on se moque donc d'un adulte qui se conduit comme un enfant et surréagit comme on le contrarie au point d'en faire caca. Cette image rappelle le syndrome de l'intestin irritable, parfois nommé colophasie fonctionnelle. C'est un trouble gênant mais sans gravité. Il se traduit par différents désagréments comme des douleurs, des ballonnements, de la constipation et des diarrhées. L'état de tension psychologique y joue un rôle important. Trop de stress, on peut en faire un caca nerveux, au sens propre. Malheureusement, ces troubles gastriques ne font qu'aggraver la nervosité qui à son tour entretient la maladie. De nos jours, il est prouvé que l'intestin fonctionne comme un second cerveau. En effet, un nombre considérable de cellules nerveuses se trouvent dans notre ventre. Et ce dernier influe sur nos humeurs, nos choix et nous transmet des informations. En résumé, sur les nerfs, on peut nous amener la rage au ventre. Passons maintenant à des noms qui font l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de paparazzo. Pourquoi un personnage de film a-t-il donné le terme de paparazzi? Partout, ils suivent les vedettes et les célébrités, à l'affût d'histoires d'amour cachées, de trahison et de zones d'ombre. Se développe en même temps que les studios auparavant scénarisaient la vie publique des stars. Ils perdent alors pouvoir après la Seconde Guerre mondiale, rivalisent d'ingéniosité pour être les premiers à décrocher une exclusivité. On les retrouve cachés dans les arbres, objectifs rivés sur le bord des piscines, des villas cousues, en planque dans des voitures, devant des chics portes, couverts ou encore sur leurs motos fonçant à toute berzingue. Vous l'aurez reconnu, les paparazzi. La hantise des stars et leurs agents, mais participent pourtant à leur forger leur légende. D'où vient cette appellation? Ce terme paparazzo vient du réalisateur Federico Fellini. Il s'agit du personnage en 1960, les spectateurs découvrent sur les écrans un film amené à devenir un classique, La Dolce Vita. On y retrouve Marcello Mastroianni dans la peau d'un séduisant journaliste mondain nommé Marcello. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ce journaliste travaille avec un photographe à qui il commande des scoops. Vous l'aurez deviné, ce photographe répond au nom chantant de paparazzo. Ainsi, tandis qu'il emmène dans sa décapotable l'éblouissante Sylvia, jouée par Anita Ekberg, Marcello hospie des photographes qui les harcèlent en s'adressant à son acolyte. Paparazzo, basta! Ce nom, cette réplique devient rapidement culte. S'il s'agit bien du nom du personnage joué par Walter Sanesso, mis au pluriel en italien, il se transforme ensuite en nom commun pour désigner toute une profession. Mais ne connaissez pas avec certitude son origine. En 1961, Fellini déclare au Time « Paparazzo veut dire pour moi un insecte bourdonnant, planant, dardant ». La plupart des explications se reflètent à des différents mots issus des dialectes italiens. Certains affirment par exemple que ce terme décrirait un bruit lancinant, agaçant comme celui d'un moustique, alors que d'autres se réfèrent au dialecte des Abruzzes, aux régions dont le co-scénariste Ennio Fellino est originaire, dans lequel paparazzo signifie « pas lourde ». En plus de ressembler par sa forme et sa taille, l'obturateur d'un objectif photo, ce mollusque recroquevillé dans sa coquille peut nous faire penser aux photographes à la recherche du scandale. Cette explication plutôt tentante, n'est-ce pas? Il est principaux intéressés dans tout cela. Souvent détestés par les stars quand ils ne sont pas molestés par les sbires, de ces derniers, ils peuvent se consoler en se remémorant ceci. Si leur nom est certes assimilé à des moustiques et à un mollusque, ils doivent avant tout à un film ayant obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Quoi de plus ironique? Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission Amadou Décryptage. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite, même heure, même endroit sur Radio Gémozé. Passez une excellente journée sur nos antennes. Et moi, je vous dis bye bye.